Vous êtes de retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL. À quelques kilomètres de Gaspé, la société Junex entreprenait en 2005 la première exploitation commerciale d'un gisement de pétrole en sol québécois. Les 680 barils de pétrole brut vendus à l'époque à la raffinerie Ultramar de Saint-Romuald ne représentent pas évidemment encore l'Arabie, mais permettaient à tout le moins de montrer qu'il y a effectivement un potentiel pétrolier en Gaspésie. Alors, 5 ans plus tard, cette ressource s'apprête à être exploitée à son plein potentiel. Alors, pour nous en parler, j'accueille Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle source qu'on a découverte en Gaspésie et... c'est l'entreprise Petrolia qui est spécialisée dans la recherche de ce précieux liquide qui compte déposer une demande pour la mise en production commerciale d'un premier puits qui serait situé près de Gaspé. Et ça va se faire d'ici quelques mois. En fait, on prévoit ça pour 2011. Mm-hmm. Et le puits en question fait partie du projet Aldiman qui est situé à moins de 5 km de Gaspé. Les spécialistes des hydrocarbures savent depuis quelques années que le sous-sol gaspésien représente un potentiel intéressant pour la découverte d'or noir. Donc, Petrolia s'y est intéressé et a déterminé la présence de pétrole d'excellente qualité dès 2006. Puis, il avait alors pompé environ 500 barils en 15 jours. Donc, c'est quand même intéressant. Et l'entreprise a mené depuis ce temps différents tests afin de préciser le potentiel exact du puits. Elle a extrait aujourd'hui une moyenne d'environ 10 barils de pétrole par jour depuis ce puits. Ça, c'était à titre de test de production. Oui, parce que sinon, ça ne serait pas beaucoup en production normale. Non, c'était commercial, là, ça ne serait pas très, très rentable. Le produit a ensuite été transporté par camion jusqu'à Ultramar, près de Lévis. Et fait à noter, il n'y a eu aucune redevance qui a été versée jusqu'à maintenant au gouvernement québécois pour les quelques 2000 barils qui ont été extraits, puisque ça entre dans une phase là, qu'on dit d'évaluation. Donc, à ce moment-là, ils ne payent pas de redevance. OK. Alors, c'est bien beau d'avoir du pétrole de qualité, mais qu'en est-il des réserves? En fait, sont-elles suffisantes pour justifier l'investissement? Ben, reste maintenant à s'assurer avec précision que les réserves contenues dans le sous-sol sont ce qu'on avait évalué. Mais les ambitions sont vraiment très grandes parce que le président de l'entreprise a indiqué que l'exploitation commerciale pourrait débuter dès novembre 2011. Donc, on est très optimiste face à ce projet-là. Et preuve que ces précisions sont réalistes, la pétrolière compte investir de 8 à 10 millions de dollars sur le site d'ici la mise en production en partenariat avec Invescan Energy. C'est une société qui possède des participations dans plusieurs projets, notamment au Terre-Neuve et Labrador. Et Petrolia est en voie de compléter une association avec cette compagnie-là. Donc, l'annonce devrait être faite sous peu. Et la mise en service de ce premier puits, dès cette mise en service, la production dépassera assurément les 10 barils là, qu'on mentionnait tout à l'heure, parce que ça, c'est juste une production test. L'extraction du pétrole provenant de ce seul puits devrait s'étendre du minimum de 10 ans. Donc, on a des réserves qui sont potentiellement intéressantes. Le président de Petrolia a déjà évoqué 15 à 20 ans d'exploitation. Donc, c'est une source qui est malheureusement pas aussi propre que l'hydroélectricité, mais qui est pas négligeable. La quantité de pétrole récupérable pourrait s'élever à plus de 7 millions de barils dans ce secteur. Donc, c'est ce qu'on retrouve comme information sur le site de Petrolia. Et est-ce que Petrolia a d'autres projets? Oui, elle travaille aussi sur le projet Bourque, qui est situé au nord-ouest de Gaspé. Ce projet revêt une très grande importance compte tenu de l'ampleur des découvertes qui pourraient y être faites et de l'intérêt que ça suscite pour les autres propriétés de Petrolia où existent des conditions géologiques semblables. Une plateforme de forage est prête déjà, mais il faudra trouver les fonds nécessaires pour les travaux pour l'instant. Et l'entreprise possède également des permis qui débordent la côte pour s'étendre dans le milieu marin, dont la baie de Gaspé. Mais cette zone-là est soumise à un moratoire pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de potentiel pétrolier sur la plateforme de Saint-Laurent. Mais pour l'instant, il y a un moratoire, donc on ne peut pas vraiment... L'exploiter. C'est ça. Et il y a une autre entreprise, Junex, comme on l'a mentionné au début, qui a déjà indiqué que le sous-sol visé par son permis d'exploitation qui est situé à l'ouest de Gaspé pourrait receler plus de 180 millions de barils. Oh. Donc, on tombe dans des très gros chiffres. Et de ce nombre, 13 750 000 barils de pétrole sont potentiellement récupérables. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces chiffres-là. Ces estimations pourraient augmenter ou diminuer à la suite des opérations futures, selon ce qu'avait exposé Junex par voie de communiqué. Le potentiel du champ de Galt a été reconnu par Junex dès 2001 et plusieurs travaux d'exploration y ont été faits et ont même été complétés. Et ceux-ci ont permis, lors d'opérations d'essai de production, de récupérer 5 828 barils de pétrole léger. Mais quel est l'objectif de production des compagnies pétrolières? Mais si l'exploitation d'un premier puits pourrait déjà en soi constituer une petite révolution dans le secteur énergétique au Québec, ce n'est que le début pour Petrolia qui ambitionne de produire 20 000 barils de pétrole léger par jour d'ici 2014, c'est-à-dire environ 5 % des besoins en pétrole du Québec. Donc, c'est vraiment, il essaie d'avoir une bonne partie du marché. Et l'entreprise est en fait la société la plus active dans l'exploitation pétrolière dans la province. Elle possède au moins la moitié des droits sur plus de 80 % du territoire où existe un potentiel pétrolier. Et ce domaine de plus de 15 000 km² se situe essentiellement en Gaspésie et sur l'île d'Anticosti. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la plateforme de Saint-Laurent, là, c'est un endroit qui est, d'ailleurs aussi, là, on entend parler autour de Terre-Neuve qu'il y a des champs. Au Québec, on peut dire que c'est la place où on pourrait trouver le plus de pétrole. C'est dommage un peu pour l'île d'Anticosti, ça. Oui, parce que là, cette île est en plein cœur du Saint-Laurent. C'est un paradis de la chasse, puis ça a un potentiel intéressant au niveau pétrolier. Donc, on se tiraille entre deux choses qui sont importantes. La plus grande île de la province se situe à l'extrémité nord-ouest de la plateforme, qui compte plusieurs champs d'hydrocarbures qui sont mondialement reconnus. Et Petrolia, il travaille en partenariat avec Corridor Resources, une entreprise qui exploite le gisement Old Dairy, qui veut l'exploiter, en fait, à 80 km des îles de la Madeleine. Et les tests menés l'an dernier n'ont toutefois pas été à la hauteur des attentes pour ce secteur-là. Mais la société d'exploration pétrolière a retiré près de 30 mètres de carottes de forage à partir d'un puits qui était creusé dans l'est d'Anticosti. Donc, c'est peut-être pas autant que Gaspé, mais c'est une zone qui a un intérêt en soi quand même. Celles-ci permettront d'évaluer le potentiel de cette zone pour l'exploitation de pétrole de schiste. C'est une ressource qui n'est pas traditionnelle, mais qui intéresse de plus en plus les spécialistes des sources d'énergie fossile. Un peu comme les gaz de schiste, on entend beaucoup parler dans les médias. Ces temps-ci. Oui, beaucoup. Et fait plutôt étonnant, les droits miniers sur ces zones si prometteuses aujourd'hui là, ont été rachetés à Hydro-Québec il y a près de 3 ans, en contrepartie d'une redevance prioritaire sur la production pétrolière. Et il me semble que ce que j'ai vu, ce n'était pas des redevances qui étaient très élevées non plus. Hydro, qui avait déjà effectué de l'exploration pétrolière sur Anticosti, n'a pas précisé le montant de la dite revente, mais en tout cas, ça semblait pas... C'est toujours confidentiel, c'est ça. Hein? Mais les rumeurs disent, en tout cas, ce que j'ai trouvé, que ce n'était pas un montant... Très élevé. C'est ça. Petrolia a ainsi raflé les droits sur 35 permis d'exploration, soit 6 381 km². C'est un grand territoire. Et au moins un ancien employé de la Société d'État fait partie de son équipe. Il s'agit d'Éric Adam, qui agit comme géophysicien pour Hydro-Québec, pétrole et gaz, de septembre 2003 à février 2006. Et puis, là, il est maintenant administrateur de Petrolia. Donc, on a un œil d'un ancien Hydro-Québec dans cette compagnie. Effectivement. Et selon le registre des entreprises du Québec, le premier actionnaire de l'entreprise de Petrolia serait Pilatus Energy AG, qui est une société qui a pignon sur rue en Suisse, et dont le président réside aux Émirats arabes unis. On ne sera pas étonné quand on parle de pétrole. L'habitude, ce nom-là revient souvent. Ouais, c'est un fait. Alors, Mélanie, merci infiniment pour ce compte-rendu et nous allons suivre attentivement ce dossier. Oui, c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Alors, nous allons faire une courte pause publicitaire et nous vous revenons avec Morgane Lemasson. Alors, restez à l'écoute.